François Morel, c'est à vous. Merci. Je voudrais ce matin pousser un cri d'alarme. Je pousse pas trop fort car une fois de plus ce matin je fais la chronique de chez moi où tout le monde n'est pas encore levé. Je voudrais parler d'une profession dont le moral est au plus bas. Je voudrais parler d'une profession qui souffre. Pourtant, je n'ai pas entendu beaucoup de paroles de compassion pour ceux qui font vivre ce secteur d'activité. Je veux parler de celui du cambriolage. La filière vol larcin brigandage a connu une chute extraordinaire en ce début d'année. Oui, une forte régression, et on peut même se demander aujourd'hui si la profession se relèvera d'un tel marasme. Depuis le 17 mars, en effet, une baisse spectaculaire a eu lieu dans ce domaine. Pour ceux qui ont choisi de faire profession de cambrioleur, le manque à gagner est énorme. En mars 2020, il y a eu 13 cambriolages par heure en France, alors qu'au mois de février 2020, il y en avait 25. Comment s'introduire dans une maison, dans un appartement, quand chaque lieu de vie est hélas occupé par des personnes confinées et qui ne permettent pas aux cambrioleurs de faire normalement leur travail? Les chiffres sont alarmants. La semaine du 20 au 26 avril 2020, imaginez, le nombre de cambriolages a tout simplement été divisé par 3. 1500 actes comptabilisés contre 4500 sur la même période l'an passé. Dans ce même secteur d'activité, il y a une autre profession qui a connu une grave chute d'activité, c'est celle de pickpocket. Être pickpocket, certes, ne nécessite pas d'avoir obtenu des diplômes universitaires, mais pour réussir dans ce domaine, il faut un véritable savoir-faire, une haute habileté que l'on n'apprend pas dans les écoles, mais qui n'en est pas moins réelle. Au cours de la semaine du 20 au 26 avril 2020, sur tout le territoire français, seulement 3500 victimes de vols sans violence ont été entendues dans les commissariats. Elles étaient près de 13 000 sur la même période en 2019. Évidemment, comment pratiquer le vol à la tire de façon satisfaisante et efficace ? Quand il n'y a plus de touristes, plus de passants, plus personne dans les rues, dans les bus, dans les métros. La situation est particulièrement alarmante. Et à l'époque de la cybercriminalité, j'aurais une pensée pour l'aristocratie de l'escroquerie, la génération pied de biche, celle qui s'est encore travaillée à l'ancienne et dans les règles de l'art. Vous allez voir, dimanche soir à la télévision, le président Macron va faire un tas d'annonces pour tout un tas de catégories professionnelles et n'aura pas un seul mot pour les montes en l'air et les rois de la cambriole. Mon cri d'alarme sera-t-il entendu? Je fais discrètement parce qu'aucune évolution depuis 3 minutes. Je suis le seul à être levé.